Bonjour à tous, Jérôme aux commandes de ce numéro de la boîte ABO. Vous en avez pris l'habitude chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Alors au programme aujourd'hui, un thème que l'on n'a pas encore abordé pour l'instant, les films d'animation. Alors dans notre émission, la boîte ABO, la musique reste donc l'axe central. Et on va voir que certains morceaux de ces films ont été repris parfois par des chanteurs français, mais également et souvent par des musiciens de jazz et sont devenus des standards. Eh bien parfait, donc Francine, nous nous retrouvons donc dans quelques instants pour une belle programmation. Alors, donc, commençons tout de suite par Les Aristochats, donc, qui est le 25e donc, long métrage d'animation des studios Disney, sorti en 1970 et réalisé par Wolfgang Reitherman. L'histoire du film est inspirée d'un véritable fait divers survenu au début des années 1900. En effet, à cette époque, une famille de chats avait hérité d'une grosse fortune. Elle met donc en scène des chats désignés comme héritiers par une vieille dame parisienne aux prises avec un majordome qui souhaite bénéficier seul et plus rapidement de cet héritage. La musique de la bande originale des Aristochats est composée par Geoff Bruns en collaboration avec les frères Sherman, à l'exception d'un titre composé par Al Fricker, « Tout le monde veut devenir un chat ». Alors cette chanson est une référence humoristique et caricaturale au Paris des prémices des années folles, avec des passages de jazz et de swing. En 2013, la version française de « Tout le monde veut devenir un cat » eh bien, a été reprise par Thomas Dutronc et Laura Smet avec une compilation intitulé « We Love Disney ». Eh bien, écoutons donc cette version détournée de ce célèbre morceau. Tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est gâte, retombe sur ses pattes. Tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. Une cloche, quoi qu'il joue, sa trompette nous rend fous. Ça swing comme un pied. Oui, mais c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Ben c'est un cat, le seul qui sache. Ils s'acharnent à swinguer. Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes? Quand tout le monde veut devenir un cat. Une cloche, quoi qu'il joue, bientôt ça nous rend fou. Ça swing comme un pied. Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde veut devenir un cat. car j'adore faire certaines petites variations. Nous les laissons à la s'aimer. Allez, on y va. Tu veux devenir un cadre ou quoi? Tout le monde veut devenir un cadre. Alléluia, alléluia. Tout le monde veut devenir un cadre. Alors, passons maintenant à un film d'animation très attachant et qui a beaucoup marqué son époque, Ratatouille, sorti en 2007. Alors Ratatouille est le 8e film d'animation en images de synthèse des studios américains Pixar. Il est réalisé par Brad Bird. Le film raconte les aventures animées de Rémi, un rat qui est séparé de sa famille lors d'une fuite en catastrophe de sa colonie. Rémi s'installe alors dans les cuisines de chez Gusto, un grand restaurant parisien, et fait la connaissance d'Alfredo Linguini, un jeune commis de cuisine. Alors tu le sais Francine que ce film a été très bien accueilli par le public mais aussi par la critique et il se hisse dès sa sortie en tête du box-office et il sera classé premier en France avec plus de 7,8 millions d'entrées donc en 2007. Ce film recevra d'ailleurs diverses récompenses dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2008. Oui, et comme à chaque réalisation, Pixar a fait preuve d'une prouesse technologique incroyable et a poussé la perfection à son extrême. Par exemple, pour le pelage du rat, ce ne sont pas moins de 30 000 poils qui sont animés. De même, pour la préparation du film, l'équipe de Pixar a ainsi pris près de 4500 clichés de Paris. Alors, la bande originale de Ratatouille, sortie le 26 juin 2007 sous le label Walt Disney Records, a été composée par Michael Giacchino. La chanson du générique de fin, Le Festin, est interprétée par la chanteuse Camille, lauréate de 2 victoires de la musique. Donc, sans plus attendre, nous retrouvons Camille dans cette valse intitulée Le Festin. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux, pas longtemps chemin. Tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO spéciale, donc film d'animation. Et continuons justement à découvrir des BO de ces films d'animation et passons avec le film Là-haut, sorti en 2009 et réalisé par Pete Docker, le réalisateur également de Monstres et compagnie. Là-haut est le 10e long métrage réalisé par Pixar et le premier à être développé pour l'exploitation donc en 3D relief. Alors il raconte l'histoire d'un veuf octogénaire qui, grâce à des ballons gonflés à l'hélium, fait envoler sa maison vers une région de l'Amérique du Sud non nommée, accompagnée du John Scout Russell, pour donc accomplir une promesse qu'il avait faite à sa femme décédée. Alors le film a été projeté le 13 mai 2009 en ouverture du 62e édition du Festival de Cannes, devenant le premier film d'animation à ouvrir ce festival. Alors Là-haut a reçu de nombreuses distinctions, avec notamment en 2010 l'Oscar du meilleur film d'animation et de la meilleure musique de film. Et Jérôme, ce film, il a un point commun avec Ratatouille. Et oui, la bande-son est comme Ratatouille, écrite par Michael Giacchino, qui arrive à montrer donc l'évolution rien qu'en changeant le genre même de sa musique dans le film. Il démarre d'abord dans un rythme de jazz swing, passant ensuite à un rythme de film d'action, puis à des airs dissonants typiques de musique contemporaine, pour enfin finir sur une note rafraîchissante et moderne, très actuelle. Et bien donc, écoutons maintenant le thème principal du film, Married Life, musique qui respire la légèreté et le bonheur. Alors, on revient maintenant sur une production purement Disney avec Pocahontas, sortie en 1995. Alors, ce film est inspiré d'une histoire réelle. En l'an 1607, la belle Pocahontas aura-t-elle le pouvoir d'éviter la guerre entre les colons anglais et son peuple et de sauvegarder ainsi ses amours avec le fringant aventurier John Smith qui accompagne les colons ? Les messages du film sont nombreux, mais les principaux sont la critique des ravages de la colonisation et de l'ethnocentrisme, en particulier européen, le respect de la nature, le féminisme et l'appel à la tolérance. La musique du film a été écrite par Alan Menken et Stephen Schwartz, ce qui leur a valu 2 Oscars en 1996, meilleure musique du film et meilleure chanson. Écoutons donc maintenant cette chanson qui était donc primée, Color of the Wind. You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess it must be so, but still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. Whatever land you land on, the earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of... Voilà, c'était donc la BO donc, du dessin animé Pocahontas. Et poursuivons avec un autre classique de Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains. Ce film est le premier long-métrage d'animation des studios Disney. Il est sorti le 21 décembre 1937 et c'est une adaptation du conte des frères Grimm, paru en 1812. Alors quand Disney décide de se lancer dans la réalisation d'un long-métrage animé, tout le monde crie au suicide. En effet, il s'agit là d'un projet ambitieux où Disney se montre totalement innovateur. D'ailleurs, l'élaboration du film prendra 4 ans et amènera la firme au bord de la faillite. La première a eu lieu donc à Los Angeles et le film fut acclamé par le public. Le titre mythique du film, Un jour mon prince viendra, a été classé numéro 1 en 1939 jusqu'en 1941 avec plus de 3,5 millions de copies vendues. Le titre a été composé par Frank Churchill. Oui, en effet, ce titre a été repris maintes et maintes fois et en 1957, le pianiste de jazz Dave Brubeck, inspiré par une anthologie de musique Disney appartenant à son fils, sort l'album Dave Digs Disney, comprenant une version de Some Days, My Prince Will Come. La chanson devient rapidement populaire auprès des musiciens de jazz. Plusieurs versions seront alors enregistrées, comme celle de Bill Evans, Oscar Peterson, Louis Armstrong ou de Herbie Hancock. Miles Davis enregistrera même en 1961 un album de jazz nommé Some Days My Prince Will Come, tout comme The Chet Baker Trio en 1979. Donc maintenant, nous allons écouter la fabuleuse interprétation de ce morceau par le grand Dave Brubeck. Voilà, donc après la version donc de Dave Brubeck, donc Blanche-Neige et Sept Nains, on va passer maintenant à un dernier grand classique du film d'animation. Je parle de Shrek. La première version est sortie en 2001 et le film est réalisé par Andrew Adamson et Vicky Jensen. Alors le film remporte un succès fulgurant et permet à DreamWorks Studio, cofondé par Spielberg, de se poser en grand rival de Pixar, dirigé à l'époque par Steve Jobs. Cet engouement pour Shrek conduit ses producteurs à en faire une franchise et trois suites voient le jour. Alors Shrek connaît un succès énorme lors de sa parution. Il arrive troisième aux États-Unis au box-office derrière Harry Potter Potter à l'école des sorciers et Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. En 2002, il est le premier film d'animation à recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation. La musique est composée par John Powell, mais un des titres phares du film est le morceau de Leonard Cohen, Alléluia, repris par Rufus Wainwright, auteur-compositeur new-yorkais. Écoutons donc sans plus attendre cette version du merveilleux titre Alléluia que tout le monde connaît. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Maybe I have been here before, I know this room, I've walked this floor, I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you. Alors c'est sur cette musique de film qu'on se quitte. J'espère que vous avez apprécié cette spéciale boîte à BO film d'animation, que vous avez pris plaisir à découvrir et réécouter certaines musiques de ces films. Alors n'hésitez pas donc à laisser vos impressions sur le site Facebook. En attendant, Francine, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors on termine avec Alléluia, rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken.